Après m'être porté candidat durant des mois, j'avais reçu de la direction de la station de D la tâche d'entretenir les auditeurs, 20 minutes durant, de ma spécialité, la bibliographie. Au cas où ma causerie trouverait écho, on me laissa espérer le renouvellement de tels rapports régulièrement. Le directeur du département fut assez aimable pour me signaler qu'était d'une importance décisive, à côté de la structuration de telles considérations, l'art et la manière de la conférence. Les débutants, dit-il, commettent l'erreur de croire qu'ils ont à tenir une conférence devant un public plus ou moins nombreux, qui est seulement par hasard juste invisible. Rien n'est plus faux. L'auditeur de radio est presque toujours un individu isolé, et à supposer même que vous en touchiez quelques milliers, vous n'atteindrez toujours que des individus isolés. Vous avez donc à vous comporter comme si vous parliez à un individu isolé, ou encore à de nombreux individus isolés, si vous voulez, mais pas du tout à beaucoup de personnes rassemblées. C'est le premier point. Et maintenant, un second encore. Respectez l'horaire exactement. Si vous ne le faites pas, nous serons obligés de le faire à votre place, et ce, en coupant brutalement. Tout retard, même le moindre, a tendance, comme nous le savons d'expérience, à se démultiplier en cours de programme. Si nous n'intervenons pas à l'instant même, notre programme se disloque. Donc, n'oubliez pas, un monde d'exposés sans contrainte et finir à la minute. Je pris ces instructions à la lettre. C'est aussi que beaucoup dépendait pour moi de l'accueil réservé à ma première conférence. Je m'étais exercé à voix haute, chez moi, en contrôlant le temps, à lire le manuscrit avec lequel je me pointais à la station de radio à l'heure fixée. Le présentateur me reçut avec prévenance, et je pus considérer comme un signe particulier de confiance qu'il ait renoncé à surveiller mon début depuis une cabine adjacente. Entre l'annonce de mon arrivée et celle de mon départ, j'étais mon propre maître. Pour la première fois, je me trouvais dans un lieu d'émission moderne où tout sert la parfaite commodité de l'intervenant, le déploiement sans contrainte de ses capacités. Il peut se mettre debout à un pupitre ou s'installer sur un des vastes sièges. Il a le choix entre les sources de lumière les plus diverses. Il peut même aller et venir en déplaçant le micro avec lui. Enfin, une horloge dont le cadran marque non pas les heures, mais seulement les minutes, lui rappelle combien l'instant peut compter dans cette pièce calfeutrée. Il fallait que je finisse quand l'aiguille serait sur 40. J'avais bien lu la moitié de mon manuscrit lorsque je tournais à nouveau mon regard vers l'horloge, où l'aiguille des secondes parcourait le même circuit que celui tracé à l'indicateur des minutes, avec une vitesse 60 fois supérieure. Est-ce qu'une faute de régie m'avait échappé à la maison, ou m'étais-je maintenant trompé de rythme ? Une chose était claire, les deux tiers de mon temps s'étaient déjà écoulés. Tout en continuant de lire mot après mot à une cadence forcée, je cherchais fébrilement une issue en silence. Seule une décision hardie pouvait être d'un quelconque secours. Il fallait sacrifier des paragraphes entiers et improviser en revanche les considérations menant à la conclusion. M'extraire de mon texte n'était pas sans péril, mais je n'avais pas le choix. Je rassemblais toutes mes forces, sautais en développant une longue période, plusieurs pages de manuscrits, et atterris avec bonheur, finalement, tel un aviateur sur son champ d'aviation, dans le cercle d'idées du paragraphe terminal. Avec un soupir de soulagement, je réunis aussitôt après mes papiers, et dans l'heureuse fierté de la prestation en force que j'avais accomplie, je quittai le pupitre pour enfiler mon manteau en toute sérénité. À vrai dire, le présentateur aurait dû entrer à ce moment-là. Mais il se fit attendre et je me suis tourné vers la porte. Ce faisant, mon regard tomba encore une fois sur l'horloge. L'aiguille des minutes indiquait 36, encore 4 minutes pleines jusqu'à 40. Ce que j'avais attrapé au vol précédemment avait nécessairement dû être la position de l'aiguille des secondes. Je compris alors l'absence du présentateur. Or, au même instant, le silence qui avait encore été bienfaisant jusque-là m'enveloppa comme un filet. Dans ce local destiné à la technique et à l'homme régnant par elle, m'envahit un frisson nouveau qui toutefois s'apparentait au plus ancien que nous connaissions. Je me prêtai à moi-même l'oreille à laquelle maintenant tout à coup ne retentissait que mon propre silence. Et je le reconnus comme étant celui de la mort qui m'emportait en présence d'un mille oreilles et mille pièces de séjour en même temps. Une angoisse indescriptible m'envahit, et immédiatement après une résolution tumultueuse, sauvant ce qui peut l'être encore, me dis-je à moi-même, et je tirai violemment le manuscrit de ma poche de manteau, pris le premier venu des feuillets sautés, et me remis à lire avec une voix qui me paraissait couvrir mes battements de cœur. Je ne pouvais plus demander de moi des trouvailles, et comme le morceau de texte que j'avais attrapé était court, j'entendis les syllabes, fis bien vibrer les voyelles, rouler les airs et introduisis des pauses méditatives entre les phrases. Encore une fois, j'atteignis ainsi la fin, cette fois la bonne. Le présentateur vint me ravoyer obligeamment comme il m'avait reçu précédemment. Mais mon trouble se prolongea. Aussi, lorsque le jour d'après, je rencontrai un ami dont je savais qu'il m'avait entendu, je lui demandai en passant quelle avait été son impression. « C'était fort bien, dit-il, sauf que les récepteurs clochent toujours. Le mien s'est complètement interrompu pendant une minute. »